Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Morceaux de planches, lances et harpons machinalement tenus à la main dans la position même où ils s'étaient élancés. Médusés, ils regardaient la baleine qui, de part et d'autre, agitant sa tête prédestinée, jetait une large bande d'écume en demi-cercle devant elle. Elle était le jugement dernier et la vengeance de la foudre et la malice éternelle. Un homme mortel ne pouvait rien contre elle. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Juliette Berthaud lit Moby Dick de Herman Melville. Je m'appelle Ismaël, mettons. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste, le philosophe Caton se jette sur son épée. Moi, tout bonnement, je prends le bateau. Rien de surprenant à ça. Chaque homme, à quelque période de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi. Mais je ne peux pas dire précisément pourquoi les destins directeurs qui ordonnent la mise en scène m'ont inscrit dans le triste rôle d'un voyage de pêche à la baleine, quand ils en ont inscrit d'autres dans les magnifiques rôles des grandes tragédies ou dans les petites créations courtes et faciles des comédies comme il faut. Un rôle jovial dans une farce. Mais si je ne me l'explique pas, néanmoins, maintenant que je revois toutes les circonstances, il me semble comprendre vaguement les mobiles et ressorts adroitement cachés qui m'ont poussé à jouer ce rôle en me faisant croire que je l'avais choisi de mon propre chef. Un des premiers de ces mobiles était la prodigieuse image de la grande baleine elle-même. Ce monstre étrange et mystérieux éveille toute ma curiosité. Et puis les lointaines mers sauvages où il roule sa masse, grosse comme une île, et le péril sans nom qu'il ne cesse d'être. Tout cela, et aussi les émerveillements que j'attendais des paysages et des vents patagoniens, contribuaient à me jeter vers mon désir. Pour quelqu'un d'autre, ces choses n'auraient peut-être pas été d'un gros attrait. Mais moi, je suis tourmentée d'une éternelle démangeaison pour les choses lointaines. J'aime naviguer sur les mers défendues et atterrir sur les côtes sauvages. Sans ignorer ce qui est bon, je vois vite l'horreur des choses et je peux être en bon terme avec elles, si elles me le permettent, car n'est-ce pas sage d'être en bon terme avec ses voisins? Pour toutes ces raisons donc, le voyage à la baleine était le bienvenu. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient devant moi et dans les folles imaginations qui me faisaient pencher vers mon désir, deux par deux, entrer en flottant dans le secret de mon âme, des processions sans fin de baleines avec, au milieu, le grand fantôme blanc de l'une d'elles, pareil à une colline de neige dans le ciel. La lecture, c'était mes voyages, c'était ma porte de sortie. C'est ce qui m'a peut-être, pareil que quand, dans le bouquin, qui m'a peut-être empêché de me suicider si j'avais déjà eu la notion de suicide plus concrète à ce moment-là. Ou de me droguer si j'avais connu la drogue à ce moment-là. Enfin, un voyage dur, quoi. Bon, maintenant que je suis obligée de faire des choses parce que je suis adulte, il faut que je gagne ma vie, il faut que je m'assume, il faut que j'assume, etc. etc. Je ne peux pas lire de la même façon. Ça me manque beaucoup. Parce que pour moi, c'est un luxe, la lecture. C'est un privilège, c'est un luxe, et c'est une nécessité, c'est un besoin. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais je ne sais pas si les gens lisent autant. En tout cas, les mômes, ils lisent beaucoup moins. Ils ont un autre espace de fuite, mais ils n'ont pas ça. Et je crois qu'ils y perdent beaucoup. Enfin, je ne sais pas si je suis un peu ringarde, mais je trouve que c'est bien que les mômes soient dans leur temps, dans leurs images de leur temps. Mais je pense qu'il faut qu'ils lisent aussi. Parce que l'imaginaire qui est déployé par le bouquin est plus fort que l'imaginaire qui est donné par les images déjà faites. Ça, j'en suis persuadée. Et moi qui me suis dirigée pour faire, qui fait des images d'images, je sais que quand je lis un livre, mes images sont tellement, tellement plus fortes que ce que je fais. Tellement plus fortes que ce que je fais. Et les images de films sont des images réductives. Par rapport à ce qu'il y a dans la tronche, quoi. Dans l'imaginaire. Ce que le mot donne, c'est tellement plus vaste. Et ça, j'en suis sûre, et rien ne remplacera le livre. Rien ne remplacera l'écriture et le mot. C'est une musique qui a pas de cadre, et au cinéma, on cadre. D'une main une lumière, de l'autre la fameuse tête de Nouvelle-Zélande, l'étranger pénétra dans la chambre sans jeter un regard vers le lit. Il plaça la chandelle par terre, dans un coin, à bonne distance de moi, et se mit aussitôt en devoir de dénouer le grand sac qui, comme j'ai dit, était dans la chambre. Je brûlais d'impatience de voir son visage. Mais, à bon bout de temps, il le tint détourné, occupé avec les nœuds de son sac. Enfin, il se retourna. Quelle vision, Seigneur ! C'était quelque chose de sombre, d'un jaune confinant au violet pourpre, avec, ci et là, de grands carrés noirâtres. Comme je l'avais pensé, c'était un terrible compagnon de lit. Apparemment, après une bagarre, affreusement balafré, il sortait tout juste des mains du chirurgien. Mais à l'instant même où j'imaginais ça, il tourna sa face vers la lumière et je constatai qu'il ne s'agissait nullement d'emplâtre ni de taffetas pour ce qui concernait les taches en carré de ses joues. Je ne sus plus que penser, mais un soupçon m'effleura. Je me souvins de l'histoire d'un blanc, baleinier lui aussi, qui, échoué chez les sauvages, avait été tatoué par eux. J'en conclus que pareille aventure avait dû arriver à ce harponneur au cours de voyages lointains. Et après tout, songeais-je, ce n'est là que son extérieur. Un homme peut être honnête dans n'importe quelle peau. Toutefois, que penser et comment expliquer cette couleur extraordinaire qui cernait les carreaux de tatouage? Bien entendu, ça pouvait n'être qu'un bon tannage tropical. Mais jamais je n'ai entendu dire que le plus ardent des soleils ait coloré en jaune pourpre un homme blanc. Après tout, supposais-je, n'ayant jamais été dans les mers du Sud, peut-être que là-bas le soleil produit sur la peau ses effets étranges. Or, tandis que ces idées me traversaient comme des éclairs, le harponneur, lui, continuait d'ignorer ma présence. Ayant enfin ouvert son sac, il y fouilla et en sortit une sorte de tomahawk ainsi qu'une blague rugueuse en peau de phoque. Plaçant le tout sur le vieux coffre, il prit alors la tête de Nouvelle-Zélande, véritable objet d'épouvante, et la fourra dans le sac. Après quoi, il ôta son chapeau en feutre, et je faillis crier de surprise. Pas un cheveu sur la tête, sauf une sorte de nœud de crâne tressé sur son front. Cette tête chauve, pour lors tout empourprée, semblait un crâne en décomposition. Si cet homme étrange ne s'était tenu entre la porte et moi, je me serais sauvée en moins de temps qu'il ne faut pour avaler une bouchée. Un instant, j'envisageais la possibilité de sauter par la fenêtre. Il y avait deux étages dessous. Je ne suis pas lâche. Cependant, ce masque pourpre de colporteur de tête me dépassait littéralement. L'ignorance est mère de la peur. Je pouvais tout attendre et craindre de cet étranger. J'en avais peur, comme si le diable avait sauté dans ma chambre au plus noir de la nuit. Dans ma terreur, comment trouver le courage de lui adresser la parole pour savoir quelque chose de lui ? Pendant ce temps, il continuait de se dévêtir. Sa poitrine et ses bras apparurent. Aussi vrai que je vis, ses parties de lui-même étaient quadrillées des mêmes carreaux sombres que son visage, son dos aussi. Il semblait rescapé d'une guerre de 30 ans, avec une chemise d'emplâtre et de taffetas gommé. Ses jambes étaient aussi décorées. On croyait y voir une quantité de grenouilles vert foncé grimpant sur des troncs jaunes de palmiers. Il devenait l'évidence même que c'était un abominable sauvage embarqué par quelques baleiniers dans les mers du Sud et parvenu de la sorte dans ce pays chrétien. Je tremblais rien que d'y songer. Un colporteur de tête en outre, et à qui la fantaisie pouvait prendre d'avoir la mienne. Ce tomahawk, ciel. Dans les personnages de Moby Dick, il y en a un que vous aimez beaucoup. Vous m'avez tout de suite demandé de choisir un texte. C'est Kikweg. C'est monsieur qui m'avait frappé complètement parce que déjà il était pas comme les autres, c'est-à-dire différent. Alors peut-être qu'en retrouvant la différence d'un autre, on retrouve la sienne et ça rassure. Alors Kikweg, et en même temps c'était vraiment le bout de l'aventure. Puis un type tatoué comme ça, j'aimais bien, j'ai toujours été... Autant j'aime pas les marques, j'aime pas être mise en conserve, avoir une étiquette, et Dieu sait que j'en ai eu sur le dos, et que j'en ai... je les ai dépassés, mais qu'il y en a eu un paquet. Mais autant certains signes de reconnaissance ou de soi-même... c'est un homme peint, c'est une peinture, c'est sa marque, c'est sa dignité, c'est sa différence, et c'est pas tout d'un coup un type qui porte un costume, comment dire. C'est son signe, il est signé. Alors Kikweg, puis c'est ce qu'on appelle un sauvage aussi. Alors, ce qu'on appelle les sauvages, ça me posait déjà des questions à l'époque. Et puis maintenant, ça me fait... Je pense que je me gourais pas trop sur l'idée de ce qui est sauvage et ce qui ne l'est pas. Mais c'était plus confus, bien entendu, dans ma tête. Mais maintenant, Kikweg, c'est vraiment un type vraiment bien. Prenant son tomahawk sur la table, il en inspecta rapidement la tête, puis la poignée à la bouche, il mit la tête en contact avec la flamme de la lampe et se mit à souffler de gros nuages de fumée. L'instant d'après, la lumière était éteinte et tomahawk aux dents, il avait sauté dans le lit près de moi. Je ne pus m'empêcher de crier. Sa surprise à lui se manifesta par un grognement. Il se mit à me palper. Je me boulai contre le mur, le suppliant qu'elle ou quoi qu'il fût de rester tranquille et de me laisser sortir du lit pour allumer la lampe. À ses réponses gutturales, je compris tout de suite qu'il saisissait mal le sens de mes paroles. « Qui, diable, vous êtes ?» dit-il enfin. « Vous, pas parler ? Enfer, moi, tuez-vous » Tout en parlant, il brandissait son tomahawk dont il éparpillait les cendres brûlantes sur le lit, ce qui me fit redouter de le voir ficher le feu à ma chemise. « Patron, pour l'amour de Dieu » hurlai-je. « Hé, Peter Coffin, patron, gardien, Coffin, ange du ciel, à moi !»« Vous parlez, vous dire moi qui vous est, » grogna de nouveau le sauvage. « Vous parlez ou moi tuez-vous ?» Dieu merci, à ce moment, le patron entra dans la chambre, une lumière à la main. Alors, sautant du lit, je courus vers lui. « Ayez pas peur, » qu'il fit avec son sourire exaspérant. « Kikweg ne toucherait pas un seul de vos cheveux. »« Arrêtez de rire aussi bêtement, » hurlai-je. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était un cannibale ? Je pensais que vous le saviez. Vous avez dit déjà qu'il colportait des têtes en ville. Mais allez, jetez l'ancre encore, dormez. Hé, Kikweg, vous connais-moi, moi connais-vous, hein ?» L'homme ici dormir avec vous, vous, comprends ? Moi, comprends, grommela Kikweg en s'asseyant sur le lit sans cesser de tirer des bouffées de fumée de son tomahawk. Vous, entrez là-dedans, ajouta-t-il, faisant vers moi un geste avec son tomahawk et ouvrant la couverture vraiment comme un civilisé et même très gentiment. Je le regardais. Malgré ses tatouages, c'était somme toute un cannibale propre et appétissant. Pourquoi ai-je fait tant d'histoires, pensais-je ? Cet homme est un être humain, tout comme moi. Il a autant de raisons de me craindre que moi de le craindre. Mieux vaut dormir avec un cannibale sobre qu'avec un chrétien saoul. Patron, dis-je, dites-lui de garer son espèce de pipe. Bref, dites-lui que je veux bien coucher près de lui, mais qu'il s'arrête de fumer. Ça ne me dit rien d'avoir comme voisin de lit un type qui fume. C'est dangereux et je ne suis pas rassurée. Ceci ayant été répété à Kikweg, il s'exécuta tout de suite, m'invitant de nouveau poliment à entrer dans le lit et se poussa tout d'un côté, comme pour me dire « Ainsi, je ne vous toucherai pas même d'une jambe. »« Bonne nuit, patron, » dis-je. « Ça va comme ça. » Je me couchai et je n'ai jamais mieux dormi de ma vie. Et la baleine ? La baleine, c'est la grosse question, la baleine. J'ai toujours, quand j'étais petite, j'ai pas lu le livre de la même façon que je le lis maintenant. C'est impossible. J'ai lu, mais Bon, je l'ai d'abord lu comme une aventure, puis comme une histoire où c'était plus déjà le bien et le mal, déjà, mais de manière beaucoup plus primaire, beaucoup plus... Comme je lisais aussi Victor Hugo. Parce que je trouve qu'il y a ça aussi d'une autre manière dans Victor Hugo. Donc là-dessus, j'avais cette perception comme ça de quelque chose qui est de tellement violent, de tellement plus fort que l'homme. Mais je ne pouvais pas tellement décrypter à quoi ça correspondait. Maintenant, j'ai plusieurs idées. J'ai eu beaucoup, toute ma vie jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'idées là-dessus. On peut l'appeler le destin, on peut l'appeler le cosmos, on peut l'appeler... le dieu ou l'enfer, j'en sais rien. Mais la baleine, c'est la puissance que l'homme n'atteindra pas, même s'il veut essayer de l'atteindre. Et je crois qu'on est en plein dans la baleine en ce moment. L'homme a voulu dépasser la baleine, mais la baleine, elle est plus forte que l'homme. Et l'homme, il fallait peut-être pas qu'il joue à ça. Les baleiniers déclaraient que Moby Dick était non seulement présente partout à la fois, mais encore que rien ne pouvait la faire mourir. Au fond, l'immortalité, c'est l'omniprésence dans le temps. Il disait qu'elle pouvait avoir des forêts de harpons plantées dans ses flancs et rester intacte. Son sang pouvait jaillir d'elle partout. C'était un mirage de plus, car à 100 lieues de là, son jet, toujours vierge, soufflait. Mais ces suppositions surnaturelles écartées, il y avait encore bien assez dans l'aspect du monstre et dans son caractère pour frapper puissamment les imaginations. Car ce n'était pas seulement son extraordinaire grosseur qui le distinguait des autres cachalots, mais aussi son front, d'un blanc neigeux et ridé, et sa blanche et haute bosse pyramidale. C'est par ses traits que, sur les mers les moins fréquentées, sa présence était révélée à ceux qu'il connaissait. Le reste du corps était tellement strié, tacheté, marbré d'une même couleur de suaire qu'il y avait gagné son nom particulier de baleine blanche, nom qui de plus se trouvait justifié par son aspect éclatant quand à l'heure de midi il apparaissait, glissant à travers une mer bleu foncé, laissant un sillage d'écume crémeuse, une sorte de voie lactée toute pailletée de scintillements d'or. Et ce n'était pas non plus tant sa taille extraordinaire, ni sa couleur remarquable, ni même sa mâchoire inférieure difforme qui la rendait naturellement terrible, que cette malice intelligente sans exemple que, selon des rapports dignes de foi, elle avait montré dans maintes luttes. Ses retraites traîtresses épouvantaient peut-être plus que tout le reste. Il est connu que, plusieurs fois, alors qu'elle fuyait devant ses chasseurs victorieux avec tous les symptômes de la terreur, elle avait brusquement fait volte-face et, fonçant sur eux, avait brisé leurs embarcations en mille miettes ou les avait jetées, éperdues de peur, vers leur vaisseau. Plusieurs accidents fatals étaient déjà survenus au cours de ces chasses. Mais bien que des désastres de ce genre arrivent souvent dans la pêcherie sans qu'on en fasse des comptes, dans ces cas particuliers, l'infernale et féroce préméditation de Moby Dick était telle que chaque démembrement ou mort qu'elle causait n'était pas entièrement considéré comme le fait d'un être inintelligent. Jugez alors à quel degré d'ardente et folle fureur était poussé l'esprit de ces chasseurs les plus acharnés quand ils nageaient parmi les épaves des bateaux broyés et les membres épars des camarades déchirés, hors du lait caillé de l'affreuse colère de la baleine, sous un soleil serein et exaspérant qui, lui, continuait à sourire comme pour une naissance ou pour une noce. Ces trois baleinières coulaient autour de lui, avirons et hommes tournoyant dans les remous, un capitaine saisissant un couteau planté dans une proue rompue s'était élancé sur la baleine comme un duelliste d'Arkansas sur son adversaire, cherchant aveuglément, avec une lame de 6 pouces, à atteindre la vie profonde d'une toise de la baleine. Voilà ce qu'avait fait Ahab. Et c'est alors que, passant soudain sous Ahab sa mâchoire en forme de faucille, Moby Dick lui avait fauché la jambe comme un moissonneur fauche une tige dans un champ. Aucun assassin vénitien ou malais n'aurait pu, semble-t-il, le frapper plus méchamment. Il était assez naturel alors de comprendre pourquoi Ahab, depuis cette rencontre presque mortelle, nourrissait une haine furieuse contre cette baleine. Le plus terrible était que, dans sa frénésie maniaque, il en arrivait à l'identifier, non seulement avec toutes ses souffrances physiques, mais aussi avec ses souffrances morales. La baleine blanche nageait devant lui comme l'incarnation de toutes ces puissances malignes que certains hommes de nature profonde sentent en train de les ronger jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus pour vivre qu'une moitié de cœur ou de poumon. Puissance qui date de toujours, auquel les chrétiens modernes eux-mêmes attribuent la domination de la moitié du monde, que les anciens zoophytes de l'Est adoraient dans leur statue démoniaque. Akab, certes, ne s'agenouillait pas pour les adorer comme eux, mais dans son délire, il les incarnait dans la baleine blanche tant détestée. Et, tout mutilé qu'il était, il se lançait contre elle. Tout ce qui rend fou et qui tourmente, tout ce qui remue le fond trouble des choses, toute vérité contenant une partie de malice, tout ce qui ébranle les nerfs et embrouille le cerveau, tout ce qui est démoniaque dans la vie et dans la pensée, tout mal était pour ce fou d'Akab visiblement personnifié et devenait affrontable en Moby Dick. Il avait amassé sur la bosse blanche de la baleine la somme de rage et de haine ressentie par toute l'humanité depuis Adam et, comme si sa poitrine avait été un mortier, il y faisait éclater l'obus de son cœur brûlant. Il est peu probable que cette manie soit née en lui au moment même de sa mutilation. En se jetant sur le monstre, couteau en main, il n'avait fait que s'abandonner à une animosité subite, passionnée et physique. Et lorsqu'il avait été atteint, il n'avait ressenti rien d'autre que l'agonie d'une lacération corporelle. Mais, quand à la suite de ce choc, il avait été forcé de rebrousser chemin, de rentrer, Akab, pendant de longs mois, avait couché dans le même hamac, seul à seul avec son angoisse. Il avait contourné en plein hiver le morne et hurlant cap de Patagonie, et c'est à ce moment que son corps déchiré et son âme balafrée, saignant l'un dans l'autre et ainsi se mélangeant, le rendirent fou. Sa folie avait dû le prendre pendant son voyage de retour, après la bataille, car plusieurs fois il avait eu des crises si terribles que, malgré sa mutilation, une fureur de Dieu vivant emplissait sa poitrine et ses seconds avaient dû le ligoter, le laissant divaguer tout son soûl dans son hamac. Ainsi, enfermé dans sa camisole de force, il se balança dans le bondissement des tempêtes. Quand le bateau, voile déployée, aborda des latitudes plus supportables, alors seulement, en jugé d'après les apparences, le vieillard sembla avoir laissé son délire derrière lui avec les houles du cap Horn, et il sortit de son trou sombre dans la lumière et l'air béni. Vous avez lu le texte intégral, celui que... J'avais lu le gros texte, oui, parce que c'était ce qui faisait partie encore, comme il y a un des livres avec lequel j'avais hésité, ça n'a rien à voir, mais un tout petit peu, c'était un bouquin de Kessel, ça s'appelait Fortune Carrée. Ce n'était pas les livres à lire à ce moment-là pour les enfants, mais mon enfant, ça l'avait déjà pris un coup dans le nez, donc je pouvais me balader là-dedans plus facilement que dans d'autres livres. Plus jeune, j'aurais pris Peter Pan. Mais beaucoup plus jeune, parce qu'entre-temps, il s'était passé des choses, et puis que les enfants deviennent... tout d'un coup, il faut qu'ils aillent plus loin, quoi. Le voyage avait besoin d'être plus loin et plus rapide, et les émotions beaucoup plus fortes. Quelle était la position que vous adoptiez pour lire, petite ? Je crois que je pense que j'ai toujours dû me tenir assez mal. Pas une position carrée, pas une position à table, je crois que j'ai pas eu de position d'assise. Sauf quand je lisais après, plus tard, au lycée, en cachette, que j'étais assise, mais que je lisais par en dessous le pupitre. Là, j'étais obligée d'être assise. Mais autrement, c'est une position qui est plutôt, fétale, ou quelque chose comme ça. C'était, en plus, notamment avant, repliée sur moi-même. C'est-à-dire, comme ça, je pensais que j'étais protégée, qu'on pouvait pas m'atteindre, et que je pouvais rester dans mon monde intérieur. Ou celui des autres, ou celui où je m'embarquais, où on m'embarquait. Et dans quel lieu est-ce que vous lisiez ? Vous aviez un lieu privilégié ou... Je crois que j'ai lu de partout. Quand j'étais Je veux dire, en tout, ça veut dire en pension ou orphelinat, c'était interdit de lire ça, bien sûr. Ou, je parle pas de ce livre-là, mais ça se passait sous les couvertures la nuit avec une lampe de poche ou dans les chiottes, parce que les chiottes, ça pour moi a toujours été un lieu de prédilection pour ce qui est interdit ou ce qu'il faut pas faire ou ce qui est pas le moment, comme apprendre à fumer et tout. Donc tout ce qui se passait dans moi, les chiottes, c'était un grand centre de ma vie, quoi. Je veux dire. Surtout de mon adolescence et de mon enfance. Et autrement, c'était le lit, c'était au moment où on est en dehors des gens, et en dehors du social. Et autrement, chez ma grand-mère, parce que chez mes grands-parents, parce que là, j'étais quelqu'un de libre qui avait le droit d'être moi-même. Et on ne m'empêchait pas de lire, et où il n'y avait pas ça. Il y avait de l'amour, donc c'était permis. Est-ce que toute petite, avant que vous ne sachiez lire, on vous racontait des histoires, le soir, par exemple, avant de vous endormir? Toute petite, je crois que j'ai toujours eu des histoires, oui. Je ne sais pas si c'était toujours avant de m'endormir, mais il y a toujours des histoires. Et en plus, que moi, j'ai des sœurs, en plus, on était une tribu de fillasses. C'était assez étonnant parce que où on se les faisait raconter. Ma grand-mère racontait des histoires, mon grand-père racontait des histoires. On se les racontait ou alors on se les racontait nous-mêmes. Alors on s'inventait des histoires, puis on se chatouillait en même temps. C'était... Alors après, c'était en pension. Alors comme on n'avait pas, c'est pareil, on chatouillait aussi. Puis on se racontait des histoires. Il fallait bien faire des choses agréables. C'était bien. Ça, tout le temps, ça a été important. C'était pas vos parents qui vous racontaient les histoires? J'ai pas le temps. Puis je les ai pas eu tout le temps. J'ai que mon père. Donc quand j'ai perdu ma mère, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées à partir de là. Donc, quand on devient dans... Bon, à ce moment-là, tellement de choses de l'enfance qui partent que on devient un autre animal blessé, quoi. On devient plus... On n'est plus un enfant joyeux. Alors, à travers les vagues, ils virent son long fantôme s'évanouissant comme dans les brouillards de la fée Morgane. Ses trois mâts seuls, hors de l'eau, tandis que cloués par leur entêtement ou par une sorte de fidélité à leur perchoir hautain, les harponneurs païens gardaient leur vigie dans l'engloutissement même. Des cercles concentriques saisirent le canot solitaire et tout son équipage. Chaque rame qui flottait, chaque lance, animée et inanimée, se mirent à tourner en une ronde qui emporta hors de vue la plus petite épave du Pequod. Une dernière vague recouvrit la tête de l'Indien du grand mât, ne laissant que quelques pieds de mât, encore visibles avec toute la longueur du drapeau, qui ondula paisiblement par une ironique coïncidence. Un bras rouge et un marteau sortirent de la mer et le bras clouait de plus en plus fermement le drapeau à l'espar qui s'enfonçait. Un de ces faucons de mer qui, de son gîte naturel, là-haut, dans les étoiles, avait suivi toute la chose, vint donner des coups de bec dans le drapeau que clouait toujours Tachtégou. Et l'aile large et frémissante de l'oiseau se trouva un instant entre le marteau et le mât, et dans son dernier effort, le sauvage englouti cloua l'oiseau du ciel au cri d'archange. Ainsi, son bec impérial appelant les dieux, le corps enveloppé dans le drapeau d'Akab, l'oiseau naufragea avec le vaisseau. Satan ne voulait pas s'engloutir dans les enfers sans arracher du ciel un morceau de vie. Maintenant, les petits oiseaux veletaient en criant sur le gouffre encore ouvert. Une écume blanche et morne battit contre ses rois de parois. Puis tout s'égalisa. Et le grand linceul de la mer se mit à rouler comme il roulait il y a 5000 ans. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait de Moby Dick de Herman Melville par Juliette Berthaud. Cyril Bécu, Laurent Lucas, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.